La légende dorée de Jacques de Voragine. Traduction par Théodore de Viseva. 14. L'Épiphanie. 6 janvier. L'Épiphanie se célèbre en souvenir d'un quadruple miracle. C'est en effet ce jour-là que les mages ont adoré le Christ, que saint Jean a baptisé le Christ, que le Christ a changé l'eau en vin, et qu'il a rassasié 5000 hommes avec 5 pains. Et cette fête porte 4 noms. Premièrement, elle s'appelle Épiphanie, en souvenir de l'étoile que les mages aperçurent au-dessus d'eux. Deuxièmement, elle s'appelle Théophanie, parce que, le jour du baptême du Christ, la Trinité divine apparut tout entière, le Père dans la voix, le Fils dans la chair, le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe. Troisièmement, elle s'appelle Béthanie, de Bête, B-E-T-H, maison. Parce qu'aux noces de Cana, Jésus montra sa divinité dans une maison. Quatrièmement, enfin, elle s'appelle Phagiphanie, en souvenir du jour où le Christ a nourri 5000 hommes avec 5 pains. Mais nous devons ajouter que l'on doute que ce quatrième miracle se soit accompli ce jour-là, car saint Jean nous dit que le temps de la Pâque approchait. Au reste, le premier de ces 4 miracles est celui que l'Église célèbre tout particulièrement, de telle sorte que nous n'aurons à nous occuper ici que de lui. Donc, 13 jours après la naissance du Christ, 3 mages vinrent à Jérusalem. Leurs noms étaient en grec Apelius, Amerius et Damascus, en hébreu Galgalat, Malgalat et Saratin, en latin Gaspard, Balthazar et Melchior. Ces 3 mages étaient des sages, et en même temps des rois, car le mot « mage », qui signifie « imposteur » et « sorcier », a aussi le sens de « homme très savant ». On peut se demander pourquoi ces mages vinrent à Jérusalem, puisque ce n'était point là que le Christ était né. Rémy en donne 4 raisons. Premièrement, les mages ignoraient le lieu exact de la naissance du Christ, et sont venus à Jérusalem parce qu'ils supposaient qu'un enfant aussi merveilleux ne pouvait être né que dans la capitale du royaume. Deuxièmement, ils sont venus à Jérusalem pour consulter les savants et les scribes de la ville sur le lieu de naissance du Sauveur. Troisièmement, ils sont venus à Jérusalem pour ôter aux Juifs l'excuse de pouvoir dire qu'ils ignoraient le temps de la naissance du Messie. Quatrièmement, enfin, ils sont venus à Jérusalem pour condamner, par le spectacle de leurs ailes, l'indifférence et la mollesse des Juifs. Saint Jean Chrysostome nous donne une autre explication de la venue des mages à Jérusalem. C'était, suivant lui, des astrologues qui, de père en fils, passaient 3 jours par mois sur une haute montagne dans l'attente de l'étoile qu'avait prédite Balaam. Or, dans la nuit de la naissance du Christ, une étoile leur apparut qui avait la forme d'un merveilleux enfant, avec une croix de feu sur la tête. Et elle leur dit, « Allez vite dans la terre de Juda, vous y trouverez un enfant nouveau-né qui est le roi que vous attendez. » On peut se demander ensuite comment 12 jours ont pu leur suffire pour faire un si long trajet depuis les confins de l'Orient jusqu'à Jérusalem, que l'on dit située au centre du monde. Suivant Rémy, c'est l'enfant divin lui-même qui les a conduits. Ou encore, suivant d'autres, la rapidité de leur course tient à ce qu'ils étaient montés sur des dromadaires, animaux très rapides qui font plus de chemin en un jour que les chevaux en 3. Arrivés à Jérusalem, ils ne demandèrent pas si le roi des Juifs était né, car ils le savaient déjà par l'étoile. Ils demandèrent où était né le roi des Juifs. Ce qu'entendant, Hérode se troubla fort, et la ville entière avec lui. Hérode en fut troublé pour 3 raisons. Premièrement, il craignait que les Juifs ne prissent pour maître ce roi nouveau-né. Deuxièmement, il craignait d'être mis en accusation par les Romains s'il permettait à un homme non proclamé roi par Auguste de revêtir le titre de roi. Troisièmement, comme le dit saint Grégoire, un roi terrestre ne pouvait manquer de se sentir troublé, se voyant en présence du roi des cieux. Et quant au trouble des Juifs, il s'expliquait également par 3 raisons, d'après Chrysostome. Premièrement, par l'impossibilité où sont les impies de se réjouir de l'avènement du juste. Deuxièmement, par l'adulation de ces Juifs pour Hérode, dont ils voyaient le trouble. Troisièmement, par l'incertitude où ils étaient de leur sort devant la perspective d'une révolution. Hérode, ayant convoqué tous les prêtres et scribes, leur demanda où était né le Christ. Et quand il apprit que c'était à Bethléem, il le dit aux mages, en leur demandant de venir lui rendre compte de ce qu'ils auraient vu. Lui-même, prétendait-il, irait alors adorer l'enfant nouveau-né, mais en réalité, il ne songeait qu'à le faire périr. Autre particularité, l'étoile cessa de guider les mages dès qu'ils furent entrés à Jérusalem, sans doute pour forcer les mages à s'enquérir du lieu de la nativité du Christ, et ainsi à fournir devant tous le témoignage du miracle. Quant à la nature même de cette étoile, les uns disent que c'était l'Esprit-Saint qui avait pris cette forme pour guider les mages, d'autres que c'était un ange. D'autres, enfin, dont nous partageons l'avis, supposent que cette étoile était un astre nouvellement créé qui, ayant rempli sa mission, sera rentré dans le sein de la matière universelle. D'après Fulgence, cette étoile différait de toutes les autres en trois choses. Premièrement, elle n'était pas localisée dans le firmament, mais pendait dans les airs, près de la terre. Deuxièmement, elle était si brillante qu'on la voyait même en plein jour, éclipsant la lumière du soleil. Troisièmement, elle marchait en avant des mages, comme une personne vivante, au lieu de suivre le mouvement circulaire des autres étoiles. Entrés dans la crèche et y ayant trouvé l'enfant avec sa mère, les mages se mirent à genoux et offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Le choix de ces présents et leurs dons s'explique par plusieurs motifs. Premièrement, c'était l'usage, chez les anciens, de ne jamais approcher d'un dieu ou d'un roi sans lui offrir des présents. Et les mages qui venaient des confins de la Perse et de la Chaldée, à l'endroit où coule le fleuve Saba, d'après l'histoire scolastique, apportaient les présents qu'avaient coutume d'offrir les Perses et les Chaldéens. Deuxièmement, d'après saint Bernard, l'or était destiné à alléger la pauvreté de la Vierge, l'encens à effacer la mauvaise odeur de l'étable, la myrrhe à consolider les membres de l'enfant en expulsant les vers de ses intestins. Troisièmement, ces trois présents signifiaient la royauté du Christ, sa divinité et son humanité, car l'or sert pour le tribut royal, l'encens pour le sacrifice divin, la myrrhe pour la sépulture des morts. Quatrièmement, enfin, ces trois présents signifient ce que nous devons offrir au Christ, car l'or est le symbole de l'amour, l'encens celui de la prière et la myrrhe symbolise la mortification de la chair. Ayant adoré l'enfant Jésus, les mages, qu'un songe avait averti de ne point retourner auprès d'Hérode, s'en revinrent dans leur pays par un autre chemin. Leurs corps furent retrouvés par Hélène, mère de Constantin, qui les transporta à Constantinople. Plus tard, saint Eustorge les transporta à Milan, dont il était évêque, et les déposa dans l'église qui appartient aujourd'hui à notre ordre des frères prêcheurs. Mais lorsque l'empereur Henri s'empara de Milan, il fit transporter les corps des mages par le Rhin à Cologne, où le peuple les entoure d'une grande dévotion. Fin de l'Épiphanie.